encore galoche, on a des phases de ouf. Tasse le moins, je fous pas ton zen dans des rails de schnouf. Chasse le lien, j'y mérite que tu lui casses le genou. Trace les douces, mets tes courses dans des baffes de poule. Pour les traites, j'ai pas besoin d'aimerier, taf le loup. Soit tu brasses, soit tu mates comme on taf le loup. Allez crève, l'objectif c'est qu'on rafle tout. La combinaison du coq et le code de la carte bleue. Parole Shinobi, dangereux toucher nos billes. On veut pas être synonyme de défaite en restant immobile. Rime nocive à la conquête des millions de bifs. Crime oblige, vit nos vies dans nos têtes, c'est bidonville. Il serait temps qu'on prenne notre guide et qu'on fasse le deuil de vos secours. C'est Farashnikov, l'œil de Moscou. J'viens pour t'épuiser la naïveté du boy scout. C'est pas pa dans les flammes, tu pourras crier grosse pouf. Kalashnikov en mode foca. C'est Farashnikov, le flot à les mots en foca. Nique sa mère l'avocat, fais tourner la vodka. La rue et ses profondeurs infestées par nos crocodiles. Kalashnikov en mode foca. C'est Zek et Vigno, le flot à les mots en foca. Nique sa mère l'avocat, fais tourner la vodka. Et ses profondeurs infestées par nos crocodiles. Un deck, on entre en scène. Faut que les gens se renseignent avant d'écouter. On peut te dégoûter de la langue française. Y'a pas de featuring quand t'es en guerre. Enfile ton Kevlar et prépare-toi à t'en prendre tête. J'vois que des futurs cadavres en pleurs. 16 rimes chrono, fais la promo dans ta cage d'ascenseur. Ça marche à la rancœur. Gala, rafale de galage, on a la patate à McLander. C'est de la crasse, pas un effet topique. Submergé par les molars et les mégots cheat. On veut le chèque qui est trop chill, faire des gros chiffres. La concurrence va bientôt lécher nos beats. Je sais qu'on se répète sur un ton très sec. Mais tes chicots sont les pètes si tu gonfles les pecs. Les bons je les check, mais les autres cons je les pecte. Pour eux y'a pas de blessure, à chaque mesure je compte les pertes. Kalashnikov en mode foca. C'est Farashnikov, le flow t'as les mots en foca. Nique sa mère l'avocat, fais tourner la vodka. La rue et ses profondeurs infestées par nos crocodiles. Moha, Rato, Yoni Kaspa en 8. Kalashnikov en mode vocal. C'est Farashnikov, le flow t'as les mots en foca.